Chapitre 7e. Le logis bien gardé. Martin Huma eut soin de préciser à Madame Marc, la brave rentière de la rue du Débarcadère, qu'il se présenterait chez elle à 8h30 pour commencer son enquête sur la disparition du fameux diamant rose. Martin Huma, avec son flair merveilleux, son tact précieux, qui permettait de croire qu'il était doué du sens de la divination, avait, sous cette visite, en apparence banale, toute simple, pressentit le piège et vu le guet-apens. « Mon cher Courville, me dit-il, vous faites beaucoup d'escrime. Vous savez qu'avec le coup d'arrêt, le meilleur coup est ce qu'on appelle un coup de temps, c'est-à-dire que par un coup hardi, brusque, ferme, vous touchez l'adversaire pendant qu'il prépare le coup qu'il doit vous porter. Il n'y a rien qui désoriente aussi bien l'adversaire. La surprise, l'attaque brusque est fortement décidée. C'est, mon cher, la victoire certaine. J'en suis persuadé. Donc, j'ai en face de moi un nouvel adversaire qui se cache sous le masque, sous les cheveux blancs de cette femme, sous les apparences de Madame Marc, rentière. Je ne le connais pas encore. J'ai cet adversaire et certainement il prépare un coup qu'il doit me porter ce soir à 9h. L'heure que vous avez fixée vous-même. Parfaitement. À 9h ce soir. Surprise et exécution de Martin Huma, roi des détectives, comme crieraient les comme le réclament sur le boulevard. Que prépare-t-on contre moi? Et même, quels sont en réalité mes ennemis? Je l'ignore. Vous n'avez pas d'affaires terribles en train? Vous ne vous attaquez à aucune nouvelle bande de malfaiteurs? Martin Huma m'arrêta d'un geste. « Hé là, ami Courville, s'écria-t-il, vous oubliez la disparition du garçon de recette. Éloi Vidal. Vous oubliez que je me suis attaché à 3 bons petits commerçants, qui me paraissent aussi douteux dans leur boutique paisible que Madame Marc sous ses allures de bonne petite rentière. C'est vrai. Vous oubliez même cet excellent gentilhomme banquier, Monsieur de Craps. En effet. Vous oubliez et Gabrielle, la jolie fille au regard noir, et la maison à double issue de la rue Milton. Les égoutiers? Pardon. J'étais loin de voir un rapprochement entre ces gens et Éloi Vidal. Et moi, au contraire, je les relie à cette affaire. Je crois que je suis sur la piste, la bonne, celle qui doit me donner sous peu un résultat définitif. Ce serait pour cela. C'est, n'en doutez pas, uniquement pour cela qu'on a inventé le diamant rose. Martin Huma ajouta, ce soir, mon cher, je vais utiliser ma science d'escrimeur. Écoutez-moi bien, mon cher Courville. J'écoute, je vous suis. On m'attend à 8h30. C'est convenu avec la bonne dame. Parfait. Or, je vais me présenter rue du Débarcadère à 7h. Pour le coup de temps. Vous l'avez dit, mon cher ami. Préparons-nous. Nous allons dîner ensemble, si vous le voulez bien. Il sonna son domestique, lui donna l'ordre de nous faire un dîner tout de suite. Puis il appela son téléphone. Il faut, me dit-il, que je prévienne mes seconds, Prosper et Philippe. Martin Huma était doué d'une patience que rien ne pouvait lasser. Poussée à ce degré, la patience devenait une vertu. C'est sans nervosité, sans mouvement brusque, sans froncement de sourcils qu'il appliquait l'écouteur à ses oreilles. C'est même en souriant qu'il recevait immédiatement la réponse fatidique « pas libre ». Avec le même calme, la même douceur, il redemandait quelques instants après la communication. « Mon cher, me dit-il, en accrochant ses récepteurs, après un nouveau pas libre, sec, de la demoiselle du téléphone, il faut prendre les choses par leur meilleur côté. Évidemment, il est fâcheux de n'avoir pas la correspondance dès que nous la demandons. Parfois même, l'impatience exaspérée du téléphonant voudrait obtenir la correspondance avant même de l'avoir demandée. C'est un symptôme maladif. Quelques médecins, en effet, prétendent avoir découvert une maladie moderne et spéciale, la téléphonite. La téléphonite a pour caractéristique l'impatience, la fureur, l'exaspération. Elle se manifeste par des besoins de crier, voire de prononcer des injures sur une boîte, un cornet aux oreilles, de donner des coups de pied sur le sol. C'est assez cela. La précipitation, l'impatience sont deux caractéristiques de notre époque. Il faut autant que possible échapper à la contagion. L'on y parvient par le simple raisonnement. Voyez, mon cher, je demande la communication. On vous répond pas libre. J'ai l'air, pendant que j'attends, de perdre du temps. Il n'en est rien. Calculez, mon cher. Si nous n'avions pas le téléphone, je serais obligé de courir après mon Prosper et mon Philippe. Je perdrai beaucoup plus de temps à galoper après eux qu'à attendre tranquillement ici, chez moi. Par conséquent, nous pouvons faire crédit de quelques minutes à la demoiselle du téléphone, qui malgré tout nous fait gagner du temps. » Martin Numa conclut « C'est en raisonnant ainsi qu'on ne s'impatiente pas et qu'on n'a nullement besoin de se mettre en colère. » Tout en parlant, il appuyait de nouveau maintenant sur le bouton d'appel. Cette fois, on lui donna la communication presque aussitôt. Martin Numa m'avait tendu un des récepteurs. J'écoutais donc. « Allô, c'est vous ?»« Allô, c'est moi. » Martin Numa redemanda. « Allô, allô, c'est bien vous ?»« Oui, c'est moi, c'est bien moi. » « Ah, parfait. Vous ne reconnaissiez pas bien ma voix ?»« Pas très clairement. » « Et maintenant ?»« Un peu mieux. » »« Parfait. Qu'avez-vous à me dire ?»« Allô ?» demanda Martin Numa. « Dites-moi donc, mon cher, quel temps fait-il où vous êtes ?» La question demeura sans réponse. Martin Numa la répéta plusieurs fois, en vain. « Coupé ?» lui dis-je. « Pas du tout, » me répondit-il. « Pas du tout. » C'est quelqu'un qui se trouvait à l'autre bout du fil, quelqu'un qui a pris la communication et qui espérait lier conversation avec moi, croyez-vous ? C'est certain, me dit-il en accrochant le récepteur. Martin Numa fit, selon son habitude, quelques pas dans son cabinet de travail. Puis il me dit « Ceci me donne une preuve de plus. Mon cher, je suis entouré, épié, surveillé. Il est certain qu'on va mettre des obstacles sur mon chemin. » C'est donc que je suis dans la bonne voie. J'ai à n'en pas douter affaire à des ennemis puissants et habiles. Tant mieux. J'aime les adversaires forts et courageux. La bataille sera plus belle. Alors, revenant au téléphone, il demande encore le numéro réclamé tout à l'heure. Cette fois, on le lui donna immédiatement. Il me fit prendre un des récepteurs. « C'est vous, cette fois, qui parlerez, » m'avait-il dit, « pour qu'on ne reconnaisse pas ma voix, et vous direz ce que je vous écrirai. » Il me passa une feuille de papier sur laquelle, rapidement, il avait tracé ces mots que je transmis après les « allô, allô » obligatoires. « Parlez plus haut. Il y a des courants d'air qui font chanter les fils, ou des rats qui jouent avec, sur le parcours. C'est fort désagréable. » « En effet, » répondit Prosper, dont à présent nous pouvions reconnaître la voix. « Mais l'ira s'y casseront les dents. Les fils ne peuvent être entamés. Espérons-le. Dites-moi. » « Prenez la température. »« En double ?»« Naturellement. »« Et faites-moi la connaître le plus tôt possible. »« Aux Pyrénées ?»« Non, au Napoléon. »« Demain matin, 10 heures. »« Avant, à 7 heures du soir. »« C'est compris. » Nous entendîmes alors parfaitement Prosper accrocher son téléphone. Puis, quelques secondes après, le bruit que faisait un autre appareil que l'on accrochait également. Alors seulement Martin Numa déposa son récepteur et se tournant vers moi, me dit « Vous avez entendu ?»« Oui. » »« Il n'y a plus à douter. Mon fil est relié à un fil qui, je ne sais pas encore comment, sert à m'espionner. Par ce fil, quelqu'un qui doit avoir grand intérêt à le savoir écoute tout ce que je transmets. » Espérant qu'il ne comprend pas ce que vous dites, Martin Numa leva les mains d'un air de doute. « Mon cher, il n'y a pas de langage assez secret pour ne pas être compris. » Alors, m'entraînant vers la salle à manger, il s'écria « Je ne compte donc pour nous ce soir que sur le temps qu'on mettra à déchiffrer le nôtre, sur le doute des lieux indiqués de cette façon. En attendant, dis non. Dis non bien, et vite, surtout. » Tout en mangeant, Martin Numa me dit encore « Ainsi la rue Lepic, chez moi, est désignée dans notre argot par les Pyrénées. Trop clair. Pour vous, qui êtes maintenant prévenu. » Mais il faut quelque peu d'intuition pour deviner du premier coup le rapport qu'il y a entre la rue Lepic et les Pyrénées, d'autant qu'une rue des Pyrénées existe et peut induire en erreur l'indiscret. Je vous l'accorde, quoique... Bon, mais Napoléon, que signifie à votre avis le nom de ce grand homme? Ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. Pas plus que ceux qui nous ont écoutés. Alors j'attends le mot de l'énigme. Napoléon veut dire... à Prosper de venir me trouver dans un petit café de l'avenue de Wagram, tenu par un homme à moi. Je ne pus m'empêcher de rire. Ah, vraiment, je n'aurais jamais deviné. Martin Numa sourit aussi. Ces moyens qui peuvent paraître enfantins sont absolument nécessaires. Vous le voyez, ainsi Prosper a compris. Prendre la température en double signifie abandonner le service de surveillance après avoir toutefois posté un homme à nous, et venir me retrouver à avenue Wagram. Martin Numa restait peu de temps à table. En 10 minutes, nous eûmes expédié le repas. Peu après, nous descendions la rue Lepic. Après la rue Lepic, nous nous engageâmes sur la place Blanche. La station Blanche du métro se trouve sur le boulevard que coupe la place du même nom. Nous descendîmes les escaliers du métro. Peu après, nous pénétrions à Napoléon. C'était un débit de vin, un de ces 1000 rendez-vous de chauffeurs que tout Paris connaît. Dans une salle du haut, que l'on gagnait par un escalier en colimaçon, déjà se trouvaient Prosper et Philippe. Tout de suite, Martin Numa demanda à Prosper « Combien de fois m'avez-vous entendu téléphoner tantôt ?»« Une seule, chef. » »« Je vous appelais 2 fois. »« Je n'ai entendu et n'ai répondu qu'une seule fois. » »« C'est bien, je m'en doutais. » Alors il dit « Eh bien, mes amis, je dois vous dire que nous sommes trahis par le fil. » Quelqu'un a pu faire une déviation, une captation, si je puis ainsi dire, établir un fil double. Ainsi, tout ce que nous disons est pris, est étudié, est connu. Il faudra chercher d'où il part, où il s'amorce. Mais Martin Numa étendit la main. Nous nous occuperons de cela plus tard. Ce soir, voici ce dont il s'agit. Écoutez bien. Oui, chef. Vous allez, Philippe et vous, avec quelques hommes, discrètement entourer la maison dans laquelle habite M. Marc, rue du Débarcadère. Bien, chef. Puis le reste, comme d'habitude. À quelle heure? Tout de suite. Entendu, chef. Nous y allons. Prosper se retira. Martin Numa et moi, nous restâmes seuls. Le détective se mit à marcher dans la petite pièce où nous nous trouvions, sans plus rien me dire, sans paraître se douter seulement de ma présence. Au bout d'un moment, il tira sa montre, la consulta. « Allons-y, » fit-il très froidement. Un taxi nous conduisit à la porte Maillot. À pied, nous franchîmes l'espace assez court d'ailleurs de la porte Maillot à la rue du Débarcadère. Là, je dus le laisser aller seul. Et voici ce qu'il fit. Il se dirigea vers la maison habitée par Madame Marc. Martin Numa y pénétra, et sans s'adresser au concierge, sachant que Madame Marc demeurait au rez-de-chaussée. Il sonna à une porte qui se trouvait au bout d'un couloir au milieu duquel l'escalier de la maison prenait son départ. On fut assez long à répondre au coup de sonnette de Martin Numa. Puis un bruit de chaîne de sûreté qu'on accroche au cran d'une demi-ouverture se fit entendre et la porte d'entrée enfin s'entrebâilla. « Madame Marc, je vous prie, » demanda Martin Numa. Ce fut une voix jeune et fraîche qui répondit « Madame Marc, vous demandez Madame Marc ?» Et l'intonation de cette voix dénotait la plus grande surprise, le plus fort étonnement. « Oui, Madame Marc, » dit Martin Numa, « est-ce bien ici qu'elle demeure ?» Ce devait être la femme de chambre de Madame Marc, celle sur qui tombaient les soupçons. Elle hésita quelques secondes à répondre, si bien que Martin Numa dut reposer la question. « Est-ce bien ici, chez Madame Marc ?» Ce n'était pas seulement pour savoir si Madame Marc demeurait ici. Il n'en pouvait douter en aucune façon que Martin Numa posait encore cette question à la jeune domestique. Il désirait entendre une autre fois le son de sa voix. Cette voix était, ai-je dit, jeune, fraîche et agréable. Mais cela n'eût pas suffi pour attirer en ce moment l'attention du détective. Ce qu'elle offrait de spécial, c'est que Martin Numa croyait la reconnaître, l'avoir déjà entendue ailleurs, en d'autres circonstances, en un cas tout différent de celui-ci. Martin Numa, ayant su que Gabriel de Bellerie tenait dans un music-hall de la rue Fontaine le rôle de Commère dans la revue, se fit un devoir d'aller, en bon bourgeois, applaudir l'étoile de ce théâtre. Il voulait aussi, en tant que détective, étudier la jeune femme ressemblant d'une façon à ce point étrange à la jolie figure de femme brune qui souriait sur la carte postale trouvée chez le père Éloi, chez le garçon de recette du Crédit Bordelais, dont la disparition sensationnelle demeurait encore inexpliquée. Martin Numa, observateur, dont le sens critique, la méfiance, demeurait sans cesse en éveil, venait, en entendant parler de la jeune femme de chambre de Madame Marc, de trouver que la voix de la camériste anxieuse ressemblait singulièrement à la voix de la commère de la revue, à celle de Gabriel de Bellerie. C'est pour l'entendre encore un peu mieux qu'il redemandait si c'était bien ici chez Madame Marc. La jeune femme de chambre allait répondre, quand une voix rude et forte, un organe de commère, mais pas de gaie revue, de matrone, si vous préférez, parla pour elle. « Qu'est-ce que vous demandez ?» fit cette grosse voix sur un ton rauque. Cette fois, à n'en pas douter, la cuisinière entrait en scène. C'était la vieille servante dévouée, qui faisait les bons petits plats, et qui devait garder sa maîtresse comme un bulldog hargneux. Martin Numa redit « Je voudrais savoir si c'est bien ici que demeure Madame Marc. »« Qu'est-ce que vous lui voulez à Madame Marc ?»« C'est donc bien ici chez elle ?»« Oui, qu'est-ce que vous lui voulez ?»« C'est elle que je dois le dire à elle seule. » »« Madame Marc ne reçoit pas à cette heure. » »« Je le regrette infiniment. Elle fera exception pour moi. »« Revenez, impossible. » »« Car je pars et ne serai de retour que dans quelques jours. » Or, comme Madame Marc veut me voir à toute force, Madame ne m'a rien dit. Dites-lui que je suis la personne qu'elle attendait ce soir. Bien, je vais voir si Madame peut vous recevoir. La cuisinière referma la porte sans permettre à Martin Numa d'entrer même dans l'antichambre. Vraiment, pensa Martin Numa, on est vraiment peu confiant dans cette maison. Or, en vertu de ses principes, il savait que les gens trop méfiants sont des gens qui ont beaucoup à craindre. Cependant, ces précautions lui donnèrent ici l'assurance qu'il avait eu raison de devancer l'heure de sa venue chez Madame Marc. Il n'était pas attendu pour cette heure, et il dérangeait certainement un plan combiné pour plus tard. C'était précisément ce qu'il voulait, prendre, comme en escrime, un coup de temps sur la préparation d'attaque de son adversaire. Alors, pour ne pas demeurer ainsi à la porte, il s'éloigna de quelques pas dans le couloir. Il se tint à deux pas du départ de l'escalier, près de la porte donnant sur la rue, passé la loge de la concierge barrant le passage. Martin Numa se trouvait là depuis quelques secondes à peine que le claquement de hauts talons parvint jusqu'à lui. Une femme descendait rapidement l'escalier. Le détective fit comme s'il n'avait rien entendu, s'il ne se doutait pas qu'une femme se trouvait maintenant dans le couloir tout derrière lui. Il ne bougea pas, continuant à obstruer le passage, semblant regarder attentivement dans la rue. « Pardon, monsieur, » dit une voix jeune et fraîche. Martin Numa ne bougea encore pas. Cependant, tout autre que lui n'eût pu s'empêcher de tressaillir. Cette jeune femme avait la voix de la femme de chambre de Madame Marc. « Pardon, monsieur, » dit-elle une seconde fois, « voulez-vous me permettre de passer ?» Comme Martin Numa paraissait ne rien entendre, la jeune femme osa lui toucher doucement le bras. « Je vous demande pardon, monsieur, » dit-elle. Martin Numa se retourna alors, mais il demeura là sur place, bouchant encore l'issue. « Mademoiselle, » fit-il, tirant son chapeau de l'air le plus étonné du monde, « je voudrais passer. » À ce moment, la jeune femme lui parlait face à face, et son souffle allait droit sur la figure du détective. « Passer ?» dit-il, l'air un peu ahuri par la surprise. « Passer ?»« Oui, m'en aller, je suis pressé. Je vous en prie, laissez-moi passer. » Martin Numa, faisant comme s'il se remettait, s'il comprenait enfin, se confondit en excuses et s'écarta pour laisser le passage libre. « Comment donc ? Mais je vous en prie, excusez-moi. Je ne comprenais pas. Mille pardons, mademoiselle. » La jeune femme était loin déjà. Mais pendant qu'elle passait devant lui, Martin Numa reconnut le regard de la dame aux yeux noirs qu'il avait croisé dans la cité d'Antin. La silhouette de la fille de M. Armand, marchand d'antiquité, celle dont la joaillesse rappelait les traits de la jeune brune de la carte postale, de Gabrielle de Bellerie. En outre, Martin Numa eut le loisir d'apprendre quelque chose d'extrêmement intéressant pour lui. Il s'était arrangé de telle sorte que la jeune femme, en lui parlant, lui envoya son souffle dans le visage, et il avait senti ce souffle. Or, le nez de Martin Numa, de même que ses yeux, de même que ses oreilles, se trouvait doué d'une subtilité extrême. Martin Numa, pendant donc que la jeune femme lui parlait ainsi, avait senti ce souffle, et ce souffle gardait un peu de cet arôme opiacé si caractéristique des cigarettes anglaises ou américaines. Gabrielle de Bellerie fumait donc de ses cigarettes. Ces cigarettes, dites de luxe, bourrées de tabac blond, sont le plus souvent faites avec du papier à bout doré. Martin Numa, avant de découvrir dans le tiroir du père Éloi Vidal la carte postale portant le portrait de Gabrielle de Bellerie, trouva, en fouillant dans les poches du malheureux garçon de recet disparu, parmi des restes de fleurs mélangées aux débris de tabac gris pour la pipe, quelques brins de tabac blond, anglais ou américain, et quelques parcelles de papier à cigarette à bout dorés.